parti, viens, je t'emmène, suis ma direction. Si t'es coincé dans ta tire aux heures de pointe et que ça t'emmerde, vas-y, mets le son. N'y va pas par quatre chemins, virage C4, trois, t'attaques le bien, petite cascade, dis bye bye à tes plaques de frein, tes pneus, fais les patiner. Bon, ça, par contre, la montre risque d'être gratinée. Non, pas grave, aujourd'hui les flics sont fatigués, les radars cachés dans les puits sont désactivés. Bâtard, ça prême la ville est à moi et à mes lascars. On plane, on défile les lois de la gravité. On voyage de tram en tram, de bar en bar. À toi de voir si t'en es, mais si c'est le cas, ne fais pas prier. J'appelle au ralliement d'Albert à Malibran. Toute la capitale se lève pour mes trafiquants. De Paris à Marseille, de Namur à Antwerp, en passant par Napoli, Poznan et Abidjan. Celle-ci c'est pour les hip-hop pratiquants, les génies de la rime qui se la pètent quand on égo trip. Oh oui, ça fait du bien de le dire, j'en profite parce que les bons moments passent trop vite et moi c'est ça qui me manque. Rester enfermé H24, ça fait péter des câbles. Envie de transformer mon divan en siège éjectable. J'ai trop côtoyé l'isolement et ses effets néfastes. Nique ces enfoirés qui m'ont prêché que la terre était plate. On aimerait tous voir plus loin que le bout de sa ligne ou le bout de sa rue. Au-delà des barres de bâtiments qui coupent la vue. Même si les bulldozers creusent les artères de ma ville, ils ne couperont pas les liens que j'ai, même si j'essaye de la fuir. Quand ces lignes croisent celles de mes pages volantes, les vapeurs collantes du goudron se mêlent aux saveurs de l'an. Habité par l'étrange vice de ratisser les centres-villes, fatigué je rentre vite à l'idée de m'étendre ivre. Pris de flashbacks, des tripes de satchlack, prêt pour de nouvelles épopées que vibre l'asphalte sous nos pas. On court partout même avec une boule au foie, entre les sonars et ceux qui rendent du boulot tard. J'apprécie les moments rares où je me retrouve au calme ou au bar, loin des couloirs gris où se jouent nos lives. Là, je reste cool au bar, j'attends mes loustiques. On a prévu de faire une tournée des bars acoustiques. Je me suis pris de passion pour la plupart des villes que j'ai pu voir de près. La mienne m'aveuglait sans hésitation. Je pensais lui appartenir, j'y traîne tard, je cherche mon havre de paix. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a plus de 1000 façons d'y parvenir. On manque rarement les grands soirs, on s'envole à l'aube. Pour le reste, souvent on est en retard dans le tram, assis pressé à l'excès. La nuit on danse pas, mais on passe d'un pas, d'un transport à l'autre. On s'arrose dès l'après-midi, histoire de rôder la fête. Je vois que mon bus arrive de loin, on se rejoint sur la ligne. Au prochain arrêt, sonner l'alerte, plus besoin d'une valise. Juste là où il est, on se tue à vivre bien du côté d'Amster. En attendant le train, je traîne dans les alentours des gares, entouré de ma clique. Y'en a pour trois quarts d'heure. C'est un tassique, entame une trappiste. Je suis un amateur de trafic, mais je déteste les embouteillages. Je suis prêt à partir sans abonnement. Pourvu que nous planions en avion, en bateau blanc. J'embarque, on s'engage comment? Comment faire? Je vais donner de l'action à ta station. J'espère qu'elle m'en rendra autant. 81. Le monde s'arrête pas, une ligne Steve ou SNCB. Je me sens bien dans les carrefours de ces villes que j'essaye d'aimer. En fait, l'amour, je l'ai réservé pour les gens qui les peuplent. Les dandy, les thugs, les gentils, les éméchés. Dans les bars avant 17h, avec des quantités de gush pour attendrir les cœurs. S'ils sont énervés, victimes de lignes supprimées ou de bouchons sur le ring. Leur femme en train de crier pour un bouton sur le pif. Si on reste dans son coin, y'a plus de kiff, on tient les murs. Facebook, le retour au monde réel devient un rude. Faut que j'aille dehors, BX en plus c'est cool. Les flics c'est pas le Sahal dans les rues de Beyrouth. On se rejoint dans les points névralgiques. Bouillon culture, bouffe thaïlandaise, soin de Maastricht. Je prends soin de ma clique, surtout quand elle vient de loin. Ce soir on est rien de moins que les princes de la ville. La vie restera légendaire, comme si on pouvait faire vibrer la terre entière. L'épuiser, la mettre en pièces et faire migrer les sédentaires. DJ, je te laisse mixer, les gens doivent kiffer, c'est l'essentiel. I'm